tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thank you. Since Monday to today, like Louis, yesterday Linda, today Evie, given lunch dana, offered lunch dana, for lunch dana, breakfast. Today Evie breakfast, lunch, also cold drink. Means it is. I always say pratika, metta, material, metta means this, okay? Physical, material means this. It is also giving, supporting, donation. Yeah, these are your metta. For what purpose? Bhante, j'ai remarqué que depuis quelques jours, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont fait don du repas. Louis a fait un don, Linda a fait un don, Evie a fait un don. Beaucoup de personnes ont donc donné le repas. Et c'est une façon de pratiquer le metta matériel ou le metta pratique. Dans quel but ont-ils fait cela? Dans l'Abhidhamma, il est expliqué qu'il y a trois groupes d'êtres. Le premier groupe, ce sont les sekkas. Le deuxième, ce sont les asekkas. Et le troisième, ce sont ceux qui ne sont ni sekkas, ni asekkas. Sekka veut dire pratiquant, un pratiquant de la méditation, que ce soit samatha ou vipassana. Les pratiquants de la méditation sont des guerriers. Ils vont faire un gros effort pour se faire la guerre à eux-mêmes. À eux-mêmes, c'est-à-dire à leurs ennemis intérieurs. Et les ennemis intérieurs, ce sont toutes les pollutions mentales. Ils vont donc faire la guerre à ces ennemis intérieurs, aux énergies négatives qui sont en eux. Et ils vont le faire par la méditation. Leur but, c'est de se débarrasser de ces pollutions. Aseka, ce sont ceux qui ont remporté la victoire. Aseka veut dire victoire. Ils ont donc remporté la victoire, ils ont expérimenté Nibbana, c'est-à-dire la libération. Voyez par vous-même, actuellement, dans le monde, il y a 7 milliards d'habitants. Mais pour ce qui est des méditants, il n'y en a que 7 millions. Donc vous voyez la proportion, elle est très faible. Cela veut dire que sur 1000 personnes, il n'y en a qu'une qui pratique la méditation. Donc vous pouvez être fier de vous. Vous voyez qu'il n'y en a pas tellement des méditants. Vous êtes ce que l'on appelle en pali des Kalyana Putujana. Kalyana veut dire bon, vous êtes de bonnes personnes, ou on pourrait dire des personnes de bonne volonté. Donc par la méditation, il est possible d'atteindre Nibbana, d'atteindre l'illumination, la libération. Mais très rares sont ceux qui atteignent le Nibbana définitif. Il n'y en a qu'un sur 1 million. C'est extrêmement rare de devenir un arhat. Ce matin, il a été question des qualités qu'il fallait introduire en soi pour pouvoir pratiquer metta. Quelqu'un a dit que c'était très difficile. Effectivement, c'est très difficile. Les arhats sont extrêmement rares. Il y en a un sur 1 million, ce qui veut dire que les 99 999 autres personnes sont des êtres ordinaires. Lorsque nous pratiquons l'amour universel, nous essayons d'envoyer nos pensées positives à tous les êtres, que ce soit les êtres humains, les animaux, tout ce qui vit. Tous les êtres vivants bénéficient de notre metta. Il y a beaucoup d'êtres parmi tous ceux-là qui n'auront jamais l'occasion de pratiquer la méditation. C'est très rare. Nous devons donc envoyer à tous ces êtres nos pensées positives. Vous pouvez être fier de vous parce que vous faites cet effort. Vous êtes venu ici pour pratiquer cette méditation sur l'amour bienveillant. Vous faites partie de ces rares personnes qui ont la possibilité de le faire. Il y a aujourd'hui une personne qui est arrivée, elle est d'origine libanaise. Pensez un petit peu à ce que dans ce pays, les gens expérimentent comme souffrance. Malgré cela, on voit cette personne qui est présente ici dans le but de développer cette méditation. On comprend donc que ici, ce n'est pas réservé aux seuls bouddhistes. Il y a toutes sortes de personnes qui participent, de races différentes, de religions différentes. Tout le monde est invité à venir s'entraîner ici à l'amour bienveillant, à purifier son esprit et à trouver une façon de vivre qui soit honorable. La méditation est quelque chose de très difficile, quelque chose qui va exiger énormément d'énergie. Il faudra faire un effort physique et un effort mental. Et ceci n'est pas donné à tout le monde, c'est très difficile. Donc offrir un repas à des personnes qui font cet effort, qui sont venues ici dans le but de développer leur esprit, de le purifier, est quelque chose d'extrêmement méritoire, qui va amener beaucoup de bénéfices aux donateurs. Ce n'est que ici, à Damarancy, que je trouve un centre qui suive la pure tradition du bouddhisme. Je voyage beaucoup au Brésil, en Tchéquie, en Pologne. Je visite beaucoup de villes dans ces pays. Parfois on y pratique metta, parfois on y pratique samatha, parfois vipassana. Mais nulle part je ne retrouve la même ambiance qu'ici, où on pratique le don du repas comme on le fait dans les pays bouddhistes. C'est unique en Europe. C'est exactement ce qui se passe en Birmanie. En Birmanie, dans les centres de méditation, il y a des listes d'attente qui parfois peuvent être très longues pour pouvoir offrir le repas aux méditants. Ici, tous les matins, nous récitons les qualités du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha. La Sangha a 9 qualités, 9 attributs. Le dernier de ces attributs, c'est que la Sangha constitue un champ de mérite insurpassable dans le monde, ce qui veut dire qu'offrir à la Sangha amène des bénéfices illimités. Vous pourriez croire que la Sangha, c'est uniquement les moines ordonnés comme Bhante qui portent la robe. Mais en réalité, dès le moment où vous participez à une retraite et que vous pratiquez la méditation, au moment où vous pratiquez cette méditation, vous êtes assimilé à des bhikkhus et à des bhikkhunis. Donc vous faites partie de cette sangha. C'est la signification de bhikkhu selon les suttas. Fourth one. Sandosa Gojja, Sumbarojja. Okay, let's chant together. Sandosa Gojja, Sumbarojja. Ambagi Jojja, Sanahunga Odi. Sandeindri Oja, Nibagoja, Abagabo, Kulesu, Nanu Gedo. Once more. Sando Sagoja, Sumberoja, Abagi Joja, Sanahunga Odi. Sandeindri Oja, Nibagoja, Abagabo, Kulesu, Nanu Gedo. Ok, please, in French, again. Satisfait de son sort, content de ce qui est offert, qu'il ne se laisse pas submerger par les affaires du monde et vive dans la simplicité. Il doit maîtriser ses sens et faire preuve de discernement, être cultivé et ne pas s'attacher aux familles qui le soutiennent. Ok. Apakicho veut dire ne pas se laisser submerger par les affaires du monde. En fait, les affaires du monde, ce sont toutes sortes d'activités qu'on se croit obligé de faire. Ces activités seront parfois des activités commerciales pour gagner de l'argent, mais parfois, il s'agira de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Donc l'idée ici, c'est de ne pas essayer de fuir dans ces activités. Salahukawuti veut dire vivre simplement. Quand on participe à une retraite comme celle-ci, ne pas se compliquer la vie avec des vêtements particuliers, rechercher des nourritures particulières, se maquiller, etc. Il faut essayer de vivre simplement. Okay. Donc ici, on pourrait s'inspirer de la façon de vivre des oiseaux. Les oiseaux déplacent dans l'air sans bagages. Ils sont légers. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'essayer de trouver à manger. On vient ici, essayer de ne pas se charger avec des valises terriblement lourdes, pleines de trucs inutiles. La qualité suivante, c'est Santindriyo, ce qui veut dire contrôler les portes sensorielles. On doit contrôler les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le corps et l'esprit. Ceci veut simplement dire qu'il ne faut pas regarder partout et se complaire dans cette vision, s'investir dans la vision, réagir, etc. Quand on voit quelque chose, on prend simplement conscience qu'on est occupé à voir. Quand on entend un son, on évite de s'investir dans ce son, de prendre plaisir ou au contraire d'avoir de l'aversion. Quand on sent une odeur, on essaie de simplement s'en tenir au simple fait de sentir, mais on ne va pas au-delà. Pour le corps aussi, les sensations corporelles, on ne recherche pas les sensations agréables. Et pour ce qui est de la langue aussi, on ne recherche pas les saveurs agréables, on évite de s'investir là-dedans, on évite aussi de s'investir dans les pensées. Nipaku veut dire maturité, il faut se montrer mûr, adulte, ne pas se comporter comme des enfants. Apagabu veut dire éviter de se montrer orgueilleux. Même si vous avez toutes sortes de titres et de compétences, essayez de ne pas en faire trop état et de ne pas vous en vanter. La signification précise de cette expression, c'est ne pas s'attacher aux familles qui les soutiennent. Il faut savoir que dans le temps, du temps du Bouddha, quand on décidait de méditer, on abandonnait la vie de famille, on abandonnait le monde et on se rendait alors dans un monastère, on se mettait sous la guidance d'un professeur et on allait méditer dans la forêt. On restait là pendant longtemps à méditer. Personne ne soutenait les moines qui se trouvaient dans la forêt. Ils devaient trouver leur subsistance eux-mêmes, les fruits dans les arbres par exemple. Mais ils se rendaient dans les villages pour quêter leur nourriture. Et bien sûr, ils avaient tendance à s'attacher aux familles qui donnaient beaucoup. Et donc, c'est de ce type d'attachement-là dont il est question ici, ne pas s'attacher aux familles qui les soutiennent. Ça, c'est la signification réelle de cette expression. Mais pour nous qui ne vivons pas de cette façon, qui venons ici de façon très temporaire, nous avons encore toujours nos familles, ça veut simplement dire ne pas trop s'attacher aux familles. Now let's go to Falamo. Naja kura majre kenchi yina wenyu bari uba odeyo. Sukino wa kemino hundu. Savi sada bawantu sukitata. Once more. Naja kura majre kenchi yina wenyu bari uba odeyo. Sukino wa kemino hundu, savasada bondu sukitada. Please, moment, let me take a correction. Yeah? Not just minor. Naja kura majri keiji, yena wenyu. Qu'il ne fasse rien qui puisse être réprouvé par les sages. Qu'il cultive l'intention, puisse tous les êtres vivre dans la joie et la sécurité, puisse leur cœur être en paix. Ok. Et donc, cette dernière qualité consiste à ne rien faire qui puisse être réprouvé par les sages. Autrement dit, il faut éviter de mal se comporter. On a donc vu jusqu'à présent 15 qualités de base que le méditant devrait introduire en lui pour commencer la pratique de Metta Bhavana. Ok. Second part. Sukhino wa kemino hundu savi sada bhavantu sukhi dada. Ok. May all be well and secure. May all beings be happy. It is a metta bhavana, okay? Metta bhavana. Ces deux dernières phrases concernent la pratique de metta qui s'adresse à l'un des trois groupes qu'on a vus hier, le groupe des communs. Il y avait trois groupes, le groupe des particuliers, le groupe des communs et le groupe des directions. Ici, ce sont les instructions de base pour le groupe des communs. Okay, now let's read Pali together. Ike jibana budati tesawa taurawa nawasisa diawa iwa menda majima razeka nukatula. Once more. Ike jibana budati tesawa taurawa nawasisa igawa iwa menda majima razeka nukatula. In French. Quels que soient les êtres vivants, faibles ou forts, ceux au corps long, petit ou gros. Okay, let's go further more. Deita wa iwa adita icha duri wasanti awi duri buddha wa sambhi siwa sabhi sada bhavantu sukhi tata. Once more. Deita wa iwa adita iwa duri wasanti awi duri buddha wa sambhi siwa sabhi sada bhavantu sukhi tata. Deita wa iwa adita iwa duri wasanti awi duri buddha wa sambhi siwa sabhi sada bhavantu sukhi tata. In French. Qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit proche ou lointain, qu'il soit né ou à naître, que tout soit heureux. Ok. Ces deux mots, tassa et tawara. Tassa veut dire, ici on traduit par peureux, tawara, courageux. C'est la traduction, disons, superficielle. Mais si on veut aller plus en détail, être plus précis dans la traduction, tassa, c'est une personne qui a encore de la peur, et tawara, c'est une personne qui n'a plus de peur, plus de colère. Les personnes qui ont encore de la peur, ce sont tous les êtres ordinaires, et ainsi que les Sotapanna et les Sakatagami, les deux premiers stades d'éveil. Ils ont encore de la peur et de la colère en eux. Ceux qui sont sans colère, qui sont devenus courageux, autrement dit nobles, qui n'ont plus aucune trace de colère, ce sont les Anagami et les Arhats, les deux derniers stades de sainteté. Donc en réalité, ça veut dire ça, les êtres ordinaires, ceux qui ont encore de la peur, et ceux qui n'ont plus de peur, les êtres nobles, et plus spécifiquement, les deux derniers stades de sainteté. Cette deuxième partie du verset, Diga Wayewa Mahanta Majima Rasaka Nukatula. N'oublions pas qu'il s'agit de vers, et donc tout ça a été arrangé de façon à ce que ce soit agréable à entendre, mais en gros, cela veut simplement dire qu'il y a des catégories d'êtres, des êtres qui ont le corps long, moyen ou court, qui ont le corps grand, moyen ou petit, qui ont le corps gros, moyen ou mince. Et donc, que ce soit dans le plan humain ou dans n'importe quel autre plan, tous les êtres, quels qu'ils soient, doivent recevoir notre métta. Donc, la question de Margot, c'est de savoir si les plantes font partie des êtres vivants. Bhante dit que dans le bouddhisme, les plantes ne font pas partie de ce qu'on appelle conventionnellement les êtres vivants. Seuls les humains et les animaux en font partie. Dans certaines religions, on considère que tout ce qui est susceptible de se développer, de grandir, est un être vivant. Donc les plantes sont incluses dans les êtres vivants. Les pierres, par contre, ne grandissent pas, ne se développent pas, donc elles ne font pas partie des êtres vivants. Du temps du Bouddha, il y avait donc beaucoup de personnes qui croyaient que les plantes faisaient partie des êtres vivants. Et donc, dans certaines sectes d'ailleurs, comme les Jaïnes, on n'était pas autorisé à couper ou à porter atteinte aux plantes. Alors le Bouddha, pour éviter tout problème, a décrété une règle comme quoi les bhikkhus, donc les moines, ne pouvaient pas couper les plantes. Les moines ne sont pas autorisés à couper notamment les arbres, tout simplement pour la première raison, c'est que dans certaines sectes à l'époque, c'était considéré comme très négatif. Mais il y a une autre raison également, c'est que des moines avaient coupé un arbre et il se fait que dans cet arbre, il y avait des fantômes qui avaient élu domicile et qui avaient un enfant, et cet enfant a été coupé par les moines. Les fantômes ont voulu se venger et tuer ce moine, mais quelqu'un leur a suggéré d'aller voir plutôt le Bouddha. Ils sont allés voir le Bouddha, qui leur a proposé de déménager et de s'installer dans un arbre tout près de son monastère. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Bouddha a demandé aux moines de ne pas couper les arbres. Now let's go to next one. Let's chant it together again. Deita wa yiwa andeita Yija duri wasanti awi duri Buddha wa sambuwe siwa Sabi sada bawantu suki dada. Ok, en French. Qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit proche ou lointain, qu'il soit né ou à naître, que tout soit heureux. Dita et Adita, c'est visible ou invisible. On doit donc envoyer metta aux êtres que l'on voit et aux êtres qu'on ne voit pas. Duré et Awiduré veut dire proche et lointain, les êtres qui sont proches de nous et les êtres qui sont éloignés de nous. Pour ces mots-là, Bhutta et Sambhavesi, il y a deux significations. La première, c'est la signification superficielle, apparente. Ce sont les êtres qui sont nés ou à naître. Les êtres qui sont nés ou à naître, ce sont ceux qui ont déjà pris un corps et ceux qui n'ont pas encore pris de corps, mais qui vont prendre un corps incessamment, comme par exemple ceux qui se trouvent encore dans la matrice maternelle ou bien dans l'œuf s'il s'agit d'ovipare. Il y a une deuxième signification à ces deux mots qui est plus profonde. Les personnes qui sont nées, ce sont les personnes qui sont déjà devenues des arhats. Ils sont nés à l'état d'arhat. Ceux qui n'ont pas encore atteint l'état d'arhat, la sainteté parfaite, ce sont encore des personnes à naître. Dans tous ces paragraphes qu'on vient de voir, surtout les derniers, il est question d'envoyer de l'amour bienveillant aux particuliers de deux façons, soit deux par deux, par groupe de deux, comme Tassa et Tawara, par groupe de trois, comme Diga, Rasaka, Majima ou Diga, Mahanta, Rasaka. Mm-hmm. On passe maintenant au groupe de deux, Dita et Adita, ce qui veut dire visible ou invisible, Duré et Awiduré, proche ou lointain, Bhutta, Sambhavesi, mm-hmm. né ou à naître. Ici, ce sont des groupes de deux. Donc, on peut envoyer metta en suivant cette logique-là, si on veut. Finish, ma? Yes, sir. Thank you very much. Very hot. Okay. Be happy. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.